Pendant fort longtemps, il a été établi que le cerveau, une fois atteint l'âge adulte, ne faisait que se dégrader. Nous perdions chaque jour des milliers de neurones sans qu'aucun nouveau ne réapparaisse. Cette idée a été, au cours du XXe siècle, lentement mais sûrement battue en brèche. Il est aujourd'hui établi que non seulement certaines zones de notre cerveau peuvent produire tout au long de notre vie de nouveaux neurones, mais plus avant, que le cerveau, lorsqu'il est lésé notamment, est capable de se réorganiser dans une certaine mesure pour compenser ses lésions. Bref, que cet organe que l'on pensait immuable est en fait dué d'une surprenante plasticité. Plasticité cérébrale, le cerveau, c'est fantastique. C'est le programme adaptatif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces capacités adaptatives du cerveau tout au long de la vie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Speder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe Plasticité cérébrale en réponse à l'environnement à l'Institut Pasteur. Et Pierre-Marie Yédo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, chef d'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur et directeur du laboratoire Gènes, Synapses et Cognition. Mais pour commencer, elle est le témoin de la plasticité de l'actualité scientifique au quotidien. On fait le tour des dernières nouvelles des labos avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une découverte, l'eau liquide semble avoir non pas une, mais deux structures moléculaires distinctes. On pensait bien connaître H2O, hein, une molécule simple, deux atomes d'hydrogène, un d'oxygène. La structure moléculaire de son état liquide est plus étrange qu'on ne le pensait. C'est ce que démontre une équipe japonaise dans une étude parue dans Journal of the American Chemical Society. Les chercheurs montrent que l'eau liquide présente deux structures moléculaires. Une structure tétraédrique, c'est-à-dire que chaque molécule d'eau est liée à l'hydrogène en forme de tétraèdre, et une structure qui ne l'est pas. Alors pour cela, ils ont utilisé des échantillons d'eau au rayon X, et la façon dont ces longueurs d'onde diffusent les atomes dans les molécules du liquide est utilisée pour déduire la disposition de ces molécules. Ce qu'ont examiné précisément les chercheurs, ce sont les pics de diffraction. Mireille Barboyou est directeur de recherche CNRS à l'Institut européen des membranes à Montpellier. Pour lui, les implications de cette découverte en biochimie sont nombreuses. Très intéressant ce papier, ils ont utilisé des méthodes classiques de modélisation pour réussir à mettre en évidence deux pics coexistants dans les modèles in silico. Et en fait, ils montrent qu'en fait, au lieu d'avoir un seul pic dans le premier pic détecté par des diffractions, par des calculs, ils peuvent détecter deux pics qui, à un moment donné, par rapport à la théorie gaussienne, ça fit assez bien, si vous voulez, la partie expérimentale. Ces deux pics qui se superposent. Normalement, dans un pic comme ça, on a des populations de molécules d'eau qui ont une géométrie spécifique. Et qu'à un moment donné, pour ces deux populations-là, pour qu'ils coexistent, en fait, je pense qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à se séparer. La structure de l'eau là, à l'état liquide, il n'y a pas de structure statique s'il n'y a pas un autre élément qui influence cette structure d'eau. Au niveau liquide, il y aura toujours une structuration de la matière, mais qui échangera au fil de temps assez vite avec d'autres structures partenaires en disant, mais ça ne serait jamais stable dans un milieu liquide. Après, pour la partie bio, comme vous dites, c'est extraordinaire parce qu'en fait, cette eau, ça sert toujours de milieu d'échange entre les produits biologiques et qu'en fait, la densité de l'eau, ça va jouer un rôle très très important dans la rencontre de ces molécules biologiques pour des modèles de reconnaissance moléculaire, c'est hyper important. Voilà, vous pouvez retrouver le lien vers l'étude originale publiée dans le Journal of the American Chemical Society sur notre fil Twitter, @laméthodefc, puis plus tard, évidemment, à l'issue de l'émission, sur la page de l'émission de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude dans la revue Nature décrit un générateur d'électricité qui fonctionne à base de gouttelettes. Les chercheurs de l'université de Hong Kong ont utilisé l'énergie cinétique de la pluie. Ils ont déposé un film de polytétrafluoroéthylène sur un substrat d'oxyde d'étrain et d'indium. Quand une goutte se propage sur ce film, elle connecte des électrodes en aluminium, ce qui permet aux charges accumulées dans le film d'être converties en électricité. Une goutte fournit suffisamment d'énergie pour allumer sans LED. 2,2% d'énergie cinétique d'une goutte l'azote est converti en électricité et selon les auteurs, ce taux pourrait s'améliorer. Les résultats sont plus faibles que ceux des panneaux photovoltaïques, mais le procédé pourrait être intéressant pour des villes comme Londres. Les sursauts radio rapides d'une galaxie lointaine sont enregistrés avec un cycle régulier de 16 jours. Les sursauts radio rapides sont l'un des grands mystères de l'astrophysique contemporaine. Détectés pour la première fois en 2007, on ne comprend toujours pas leur source et on pensait, jusqu'à présent, qu'ils étaient imprévisibles. Selon une prépublication dans Archive, une équipe québécoise vient d'en détecter dans une galaxie lointaine à 500 millions d'années-lumière de nous, avec une périodicité de 16 jours. Sur un an et demi d'observation, les chercheurs ont enregistré une à deux rafales toutes les heures pendant 4 jours, qui disparaissent ensuite pendant 12 jours, puis se répètent. Ces signaux proviendraient peut-être d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons. Voici une nouvelle pièce de l'énigme. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Primates, les éléphants pleurent leur mort. Une équipe internationale a mené une trentaine d'observations de différents clans d'éléphants. L'étude décrit minutieusement l'ensemble des interactions des éléphants avec leur mort. Les membres du clan s'approchent du défunt, le touchent et examinent la carcasse. Pendant plusieurs semaines, les éléphants rendent visite au corps et d'autres parfois font des vocalises sur le site funéraire. Alors, sans pouvoir définir la motivation de ces comportements et en évitant un tout anthropomorphisation, les chercheurs parlent bien dans leur étude d'émotions sophistiquées. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Dès le début du XXe siècle, le physiologiste espagnol Santiago Ramón y Cajal clôt le débat. Le cerveau adulte chez les mammifères reste tel qu'il est, ou plus exactement, il perd des neurones tout au long de sa vie, mais à aucun moment il n'en crée de nouveaux. Il faudra donc près d'un siècle entier pour montrer que ce n'est pas le cas et qu'il y a bien de la neurogénèse à au moins deux endroits du cerveau et qu'en sus de cette neurogénèse, le cerveau est capable de se réorganiser, de créer de nouveaux chemins de communication, de nouvelles synapses, et ce tout au long de la vie. Cette faculté adaptative, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Écoutez la définition qui en est donnée dans cet archive de 1964. Nous sommes dans l'émission 100 milliards d'univers. À première vue, le cerveau ne semble pas devoir différer essentiellement des autres parties du système nerveux central. En effet, c'est toujours des neurones, seulement en plus grand nombre. Par exemple, chez l'homme, on en compte jusqu'à 10 milliards, à raison dans les parties les plus denses de 40 000 par millimètre cube. Alors, on peut se dire, le cerveau n'est-il donc qu'une machine à réflexes? Une machine à réflexes un peu plus complexe, beaucoup plus complexe que les réflexes spinaux, par exemple. Eh bien, il est plus que cela, car ces neurones ont à un haut degré une propriété qui n'est ailleurs que rudimentaire. Cette propriété, c'est ce que nous nommons la plasticité. Alors, la plasticité, comment la définissez-vous? Eh bien, nous la définissons d'une façon comme en physique, comme en mécanique. C'est la propriété qu'ont certains systèmes de garder des traces d'une activité quand la cause qui a produit cette activité a disparu. C'est donc la formation d'une empreinte qui ne disparaît pas tout de suite, même quelquefois qui reste indéfiniment. Voilà, cet archive de 1964, cette définition de la plasticité cérébrale, une réaction l'un et l'autre à cette définition. Est-ce que vous donneriez la même? Est-ce qu'elle a évolué depuis ces années 60? On peut apporter quelques précisions à ce qui vient d'être dit. D'abord, si en 1964, avec un boulier, on avait compté 10 milliards de neurones, évidemment, en 2020, on sait qu'il y en a 10 fois plus, c'est-à-dire on est à 100 milliards de neurones, premièrement. Et deuxièmement, ce qui vient d'être donné comme définition de la plasticité n'est pas trop mauvaise, mais j'ai plutôt entendu la définition de la mémoire, cette capacité qu'a le cerveau de stocker physiquement des traces et de les restituer. Évidemment, on parlerait plus aujourd'hui d'engrammes, c'est-à-dire ce support matériel et physique de l'information dans le cerveau. Et pour qu'il y ait eu évidemment une empreinte, il faut qu'il y ait eu une certaine malléabilité. Donc, on va parler de plasticité. Mmh. Pauline Spéder, votre avis sur cette archive? Oui, je suis d'accord avec Pierre-Marie. Je suis d'accord que c'était une bonne définition de base, mais qui a quand même relativement évolué aussi, justement, parce que maintenant il y a ce que vous avez cité au départ, qui est cet apport de nouvelles cellules. cellule de neurogénèse qui apporte finalement un nouveau niveau de plasticité et qui veut dire que c'est pas seulement quelque chose, une mémoire qu'on réutilise, c'est aussi le fait de créer de nouvelles choses en réponse finalement à des sensations, à un événement. Donc je pense qu'on peut la complémenter et l'augmenter. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile depuis Ramón y Cajal de contredire finalement et de montrer qu'il y avait bien une forme de plasticité, qu'il s'agisse de création de nouveaux neurones ou en tout cas de nouveaux chemins, de recalibrage en quelque sorte des synapses? Rappelons sans faire trop d'histoire que les travaux de Ramón y Cajal, qui est le père fondateur des neurosciences, sont remarquables à plusieurs titres parce que, premièrement, c'était un artiste. Il a été capable de dessiner avec une précision jamais inégalée depuis la complexité du cerveau, des circuits, l'enchevêtrement des prolongements des neurones. Et donc, quand on arrive à une telle précision de la description de la complexité, force est de constater qu'on se dit ensuite, eh bien, pour que ça fonctionne, ça doit être immuable. Je peux pas imaginer que le réseau ferroviaire autour de Paris puisse continuer à fonctionner si je viens et je retire quelques rails dans un endroit. Évidemment, tous les automobilistes font ce constat que quand il y a des travaux sur une rue, ben, tout est impacté. Donc, voilà le constat. C'est complexe. Donc, puisque c'est complexe, pour que ça puisse continuer à fonctionner, je ne peux pas me permettre d'enlever les éléments et d'en remplacer d'autres, c'est impossible. Donc on est arrivé à ce constat, cette complexité se traduit par de la fixité. Le cerveau, c'est quelque chose d'immuable qui se développe un peu après la naissance, mais très vite il va être figé. Oui, je pense que c'est la complexité et c'est aussi lié, je pense aussi à l'avancement des techniques où quand même un gros saut a été fait quand on pouvait vraiment visualiser des cellules qui se diffusaient ou qui se remodelaient. Donc je pense qu'il y a aussi, il y a effectivement le postulat de base et c'est tellement compliqué, mais comment peut-on faire? Mais ultimement, c'est tester de nouvelles techniques et en science, c'est toujours comme ça. On attend les nouvelles techniques qui vont donner une nouvelle vue qui nous a permis de sauter au niveau suivant, qu'effectivement on arrive à détecter des événements de remodelage qui soient aussi bien synaptiques que donc plus structural que finalement donc ces nouveaux neurones. Pierre-Marie Liédo, il y a quelque chose que vous dites et que je trouve assez intéressant. Vous dites que la différence entre l'être humain et les autres mammifères ou les autres membres du règne animal, c'est que l'être humain reste joueur et que c'est cette faculté à être joueur qui atteste de notre plasticité cérébrale. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Là, nous allons parler ensemble de plasticité. Donc, on vient de définir un petit peu ce qu'était le cerveau. Vous dites, dans préambule, le cerveau, c'est fantastique. Je dirais oui, mais le cerveau, c'est élastique. C'est-à-dire que c'est parce que le cerveau, il est informable qu'il est déformable. Et donc, si on part du constat que le cerveau humain, et ça c'est le propre de l'humain, c'est de subir justement les assauts de l'extérieur, de ce qu'on fait avec notre cerveau. Rappelons-nous de cette fameuse phrase d'Erasmus, on ne naît pas humain, on le devient. Se devenir par le social et le culturel, c'est l'empreinte que laisse l'environnement sur ces circuits-là. Alors, il y a des conséquences. C'est que si vous avez dans votre cerveau des parties qui sont toujours remises en cause et donc il va falloir reconstruire, on va en somme avoir du juvénile chez l'adulte, eh bien on va avoir cette capacité à jouer le jeu et donc le plaisir de jouer qui va être aussi consubstantiel à l'humain. Et on ne trouve aucune autre espèce animale, sauf l'humain, de cette volonté de vouloir toujours jouer. Et regardez sur YouTube ou ailleurs, vous verrez des animaux jouer, vous verrez des lionceaux jouer avec le lion ou la lionne, mais les adultes, dès qu'on a atteint la maturité sexuelle dans le règne animal, sauf l'humain, on joue. On joue. Même chez les grands primates? Alors, là où est la exactement, il y a des grands débats. Est-ce que le jeu peut apparaître chez les primates non humains? On a des preuves, effectivement, où il y aurait une transition et on peut voir des animaux jouer. Mais quand même, regardez à Paris qui on voit sur des trottinettes, vous ne verrez pas que des jeunes. Pauline Spéder, c'est intéressant de dire que la transcription finalement phénotypique de la plasticité, c'est la capacité à jouer, c'est notre éternel aspect juvénile en fait. Oui, enfin je pense qu'il y a quand même une corrélation entre la complexification du cerveau et de certaines parties et le fait effectivement des interactions sociales. Les interactions sociales, une grande partie, c'est effectivement comment on projette ce qu'on a envie, donc le jeu, etc. Je ne sais pas si c'est que le jeu pour moi. Je ne sais pas si je définis ça comme ça, mais c'est effectivement la capacité d'interagir de façon très particulière avec autrui, en fait. Et c'est pour moi une complexification. Juste pour rappeler peut-être à nos auditeurs aussi de quoi nous parlons quand nous parlons de jeu, on parle d'une activité, hein, d'une action que nous allons produire, qui produit de la récompense. Et n'oublions pas que c'est un des piliers, parmi les 4 ou 5 piliers de l'éducation, le jeu. Doit être évidemment mis au centre, hein, de n'importe quel éducateur voulant produire de la connaissance. Eh bien, évidemment, pour l'humain, cette connaissance sera acquise beaucoup plus facilement s'il y a du jeu, hein, d'où les escape games et toutes ces choses-là. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de plasticité cérébrale tout au long de cette heure en compagnie de Pauline Spéder et de Pierre-Marie Guédot. Alors, on va rentrer un peu, on va ouvrir la boîte crânienne, on va rentrer un peu à l'intérieur du cerveau, parce que quand on parle, Pauline Spéder, de plasticité cérébrale, on parle en fait de deux phénomènes différents. Oui, alors il y a celle qui est connue, je dirais, depuis plus longtemps, qui est la plasticité synaptique. Donc c'est le fait que des cellules qu'on appelle neurones dans le cerveau vont être capables de changer les voisins avec qui ils se connectent et se touchent. Donc ça, c'est connu depuis plus longtemps. Et ce qui est un peu plus récent, c'est une plasticité que j'appelle neurale. Je ne sais pas si Pierre-Marie est d'accord, c'est toujours dur de définir. Mais c'est l'apparition ou la génération de nouvelles cellules. Donc c'est pas nouveaux neurones. Donc c'est pas qu'on utilise, je dirais, uniquement les neurones déjà présents et puis on leur fait changer leurs voisins, leurs connexions. C'est que vraiment, on apporte de nouveaux membres à la population, en fait. C'est ça. Et on va essayer de traiter les deux évidemment on pourra faire des allers-retours de l'un à l'autre, mais la neurogénèse tout à l'heure, peut-être commencer par la plasticité synaptique parce que c'est ce qui a l'air d'être finalement presque le plus évident ou le plus intuitif, Pierre-Marie Guédot. En fait, la plasticité synaptique, c'est ce que vous disiez, c'est cette capacité à jouer, c'est cette capacité à apprendre, et c'est ce qui va contribuer à la formation, à la maturation du cerveau depuis la période in utero jusqu'à l'âge adulte. Oui, c'est-à-dire que rappelons-nous que d'abord, le cerveau produit de l'électricité, hein, des activités électriques, et que les contacts qui permettent de transmettre l'information ne sont pas des contacts digitaux, c'est pas 0 ou 1, c'est pas binaire, mais ce sont des règles de probabilité, des règles de Poisson qui gèrent le passage de l'information. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces dispositifs de transmission de l'information, eh bien, les probabilités peuvent augmenter. Et en fait, là, on a un substrat de la mémoire où elles peuvent diminuer. Et ça, c'est l'oubli. Et on voit bien dans le cerveau que parfois quelques contacteurs, les fameuses synapses, peuvent être renforcés dans un endroit, dans un lieu précis, parce que le sujet est en train d'apprendre à jouer du tennis. Mais qu'ailleurs, un peu plus loin, eh bien, on aura au contraire un affaiblissement. Donc voilà, c'est ça, la plasticité, c'est de la redistribution. Et en fonction de l'usage dont on a besoin. Comment ça s'organise, Pauline Spéder, justement cette plasticité? Parce que il y a évidemment toute la phase de l'apprentissage. On va parler tout à l'heure des études qui montrent que il y a d'ailleurs des zones critiques et des périodes critiques qui sont très importantes. Ouais. Mais finalement, cette plasticité, cette réorganisation du cerveau avec des zones renforcées, des zones abandonnées, c'est tout au long de la vie? Je pense, parce que c'est ce que vous dites, il y a des périodes quand même critiques. Hein. On sait qu'il y a certains comportements, enfin de certains sens en fait, qui sont qu'il faut stimuler à une période particulière. Donc, je reviens sur ce que dit Pierre-Marie, c'est vraiment le côté de renforcement par rapport à élimination. Il y a des comportements qu'on va utiliser beaucoup, des sens qu'on va utiliser beaucoup et qu'on va renforcer, et d'autres qu'on va peu utiliser et qu'on va perdre. Et je pourrais donner un exemple, qui est l'exemple de l'acuité visuelle. Hein. Il y a des expériences assez célèbres où on a mis à des modèles animaux, on a fermé un œil. Mais à la très très jeune. Hein. Très très voilà, tôt, voilà, très dans des stades très juviniles, et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le cerveau s'organisait et en fait, il allait tirer parti du fait qu'il y avait un œil qui était surtout stimulé, donc cet œil était renforcé et finalement l'autre œil était perdu. Et c'était fixé pour la vie. Alors qu'on fait la même chose à un stade plus adulte, rien n'est perdu et rien n'est vraiment renforcé. Donc il y a quand même une notion de période critique hein, dans la plasticité. Je pense, c'est pas tout le temps. On peut dire peut-être effectivement un mot de cette période critique par Pierre-Marie Guédot. Il y a des moments effectivement pendant toute l'enfance qui vont être essentiels justement pour fixer certaines voies, certains chemins, certaines autoroutes neuronales, certains liens de communication et qui vont ensuite rester à vie. Alors, un courant de pensée du constructivisme et d'autres ont appelé ça, j'aime beaucoup, hein, c'est la fenêtre d'opportunité. Alors, période critique, fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a des circuits cérébraux qui sont là en attente. Et si on est là pour les solliciter, eh bien ces circuits vont se développer. Et sinon, ils resteront pas à l'état de friche. C'est la notion de recyclage. Mmh. C'est-à-dire que finalement, parce que pour une raison X ou Y, Maritime ne fonctionne pas, le cortex visuel, qui est désespéré d'attendre, rien n'arrive, finalement, il va finir par s'inspirer et travailler avec les doigts. Et donc, je vais voir, je vais former des images mentales, visuelles, mais mentales, par les doigts. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, cette période critique il y a des ouvrages comme... L'enfant sauvage et d'autres qui ont été justement des belles illustrations de cette période critique. Aujourd'hui, on en revient parce que cette période critique, on avait un on et un off. Il y avait une période où il fallait être là, stimulé. Et puis après un certain temps, cette circuit n'attendait plus et le cerveau allait passer à autre chose pour acquérir d'autres fonctions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... On a découvert aujourd'hui que cette période où il semblerait que le circuit se gèle, on puisse de nouveau réouvrir. Et ça, c'est intéressant en matière de réhabilitation, en matière vous avez eu un AVC dans telle région du langage. Ben non, c'est pas fini. Même si vous avez plus de 45 ans, vous pouvez encore solliciter votre cerveau et apprendre. C'est intéressant parce que les exemples, effectivement, se sont notamment liés aux problèmes de cécité très très précoce, aux problèmes de surdité très précoce. On parle de surdité par exemple pré ou post-linguale et ça peut changer tout, c'est-à-dire que si effectivement un enfant apprend et peut reconnaître tout de même du langage puis perd l'audition, ces circuits-là vont être effectivement renforcés et on pourra à nouveau les stimuler après, alors que si c'est une surdité pré-linguale, eh bien ça va être très très compliqué ensuite d'apprendre à reconnaître les sons du langage, Pauline Spéder. Oui, je pense que actuellement, on est un peu entre le deux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont quand même assez préformées. Il y a des grandes directions, c'est ce que disait Pierre-Mille, des grands autoroutes. Et après, on a effectivement une certaine plasticité plus tard. On va pouvoir ou réveiller des choses qu'on n'avait pas totalement perdues. Et je pense que c'est quand même lié. On vient de nouveau au renforcement, la restimulation. C'est vraiment l'environnement dans lequel on vit qui va déterminer un grand mot, mais qui va vraiment aider à renforcer ou à réveiller des circuits qui étaient ou endormis ou qui n'est pas là originellement. Pierre-Marie Yedot, quand on voit notamment, ça c'est pour les cas de surdité, mais par exemple chez les enfants aveugles de naissance, ce que vous disiez, c'est que le cortex visuel qui est inusité va être utilisé à d'autres choses, va être employé par exemple pour prendre en charge des fonctions cognitives qui normalement sont réparties à d'autres endroits du cerveau. Oui, c'est ça qui est incroyable. Finalement, on se rend compte que ce cerveau, il est un tout petit peu génétiquement programmé. Mais que la plus grande part des activités qu'il est capable d'assumer et d'engendrer, vient de l'information qui est de l'extérieur et qui sont des signaux de déclenchement de ce remaniement structurel. Alors pendant des années et des années, on a cru que ce qui était important et la communauté scientifique s'est focalisée sur l'excitation, comment les circuits transféraient de l'information d'un lieu à un autre, et ça c'est par les impulsions électriques. Mais une des clés qui a permis de comprendre cette modélisation ou cette phénomène de dynamique dans la plasticité, donc on parle de métaplasticité, on parle de la plasticité plastique, en gros, difficile à dire, eh bien, il a fallu découvrir pour ça le rôle des inhibiteurs. Voilà, il y a donc c'est le yin et le yang dans le cerveau, l'excitation est balancée avec l'inhibition. On sait très bien que quand l'inhibition fait défaut, c'est par exemple la crise d'épilepsie, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ces périodes critiques peuvent être réouvertes si on joue essentiellement sur ces interneurones qui sont les interrupteurs, mais qu'on peut faire fonctionner dans les deux sens. Alors c'est intéressant justement, si on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, disons que cette plasticité initiale, notamment dans les périodes critiques, va finir petit à petit par se figer et rester sur donc des chemins qui se seront renforcés? Vous venez de le dire, aujourd'hui, il y a quelques études qui montrent que on peut venir casser un peu ces interneurones à paravalbumine qui viennent fixer, qu'on appelle les cellules en panier, qui viennent fixer ces chemins neuronaux. Oui, c'est-à-dire que c'est une inhibition assez particulière. C'est une inhibition qui s'exerce sur le corps cellulaire du neurone. Et c'est le lieu, finalement, d'intégration de l'information. C'est le lieu de la prise de décision. J'émets ou pas un potentiel d'action. Et cette inhibition si précise à ce lieu-là va être évidemment critique. Et lorsqu'on va pouvoir lever un peu cette inhibition en jouant sur ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc là, on est sorti du neurone. Mmh. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, un neurone, il fonctionne aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc, quand on arrive à casser les molécules qui viendraient à le figer comme du ciment, finalement... On peut se représenter des espèces de petits filets, d'ailleurs. On parle de filets extracellulaires qui viennent se fixer autour des neurones et des synapses, comme ça, c'est pour ça. Les bloquer, pour les fixer dans À chaque fois que je travaille un peu sur ça, je pense à mes filets de clémentine que j'achète, là, vous savez, ils sont toujours incassables, ils sont très rigides. Eh bien, c'est ça, c'est cette matrice qui entoure le neurone, sur lequel les boutons synaptiques qui viennent produire de l'inhibition, ben, on peut les remanier. Et du coup, ça, effectivement, il y a des études intéressantes qui montrent sur des modèles murins qui permettent de rouvrir des formes de plasticité sociale, c'est-à-dire que d'un seul coup, le cerveau peut recommencer à se recâbler de manière différente à des âges où normalement il ne se recâble plus. Absolument, et on est en train de décrypter toute cette machinerie, je dirais, chimique, voire génétique, hein, puisque quelques expériences ont été conduites en Chine pour essayer, par exemple, d'acquérir des statuts cognitifs que les singes n'ont pas, en venant triturer ces interneurones par des outils empruntés à la génétique. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que finalement ce cerveau peut avoir en lui, il a un potentiel énorme, et que en venant jouer sur une classe bien précise aujourd'hui d'interneurones, qu'on est capable de faire apprendre à un cerveau ce qu'on croyait pas être capable de le faire jusqu'à peu. Et on va voir dans quelques minutes que, évidemment, ces mécanismes de réapprentissage, bien, ça peut avoir des applications thérapeutiques, mais que même sans forcer, justement, ces retours de plasticité cérébrale, eh bien, dans cas d'accident, cas d'amputation, le cerveau trouve encore des voies de communication, et notamment, par exemple, en recréant de nouveaux neurones. Sérénité du cerveau primitif par le groupe Oti sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons pas seulement du cerveau primitif, mais du cerveau tout court, et notamment de ses facultés à se réorganiser. Nous parlons de plasticité cérébrale tout au long de cette heure avec Pauline Speder, qui est responsable du groupe Plasticité Cérébrale en réponse à l'environnement à l'Institut Pasteur, et Pierre-Marie Yedo, qui est directeur de recherche CNRS, chef d'unité perception et mémoire également à l'Institut Pasteur. Alors, étudier la plasticité cérébrale, c'est évidemment complexe, in vivo, hein, c'est difficile d'ouvrir le cerveau des patients pour compter exactement le nombre de neurones qu'il y a à un temps donné. Et c'est donc grâce à l'étude de certaines pathologies, comme l'amyotrophie spinale par exemple, que la recherche dans le domaine avance. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au département de neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le service du docteur Jean-François Prada, qui étudie exactement cette pathologie. Oui, l'amyotrophie spinale est une maladie génétique qui se traduit par une dégénérescence progressive des motoneurones. Les motoneurones sont des neurones qui assurent la transmission des influx nerveux aux muscles via la moelle épinière. Son équipe a mis en évidence un phénomène de compensation chez les patients atteints au niveau du cortex moteur et frontal. Alors concrètement, ils ont pu mesurer une augmentation de la densité de neurones, non seulement dans les régions motrices du cerveau, mais également dans les régions propices au raisonnement, au jugement ou à la créativité. Là, dans cette étude, on s'est intéressé à l'amyotrophie spinale en prenant des patients à l'âge adulte. Et notre objectif, il était double. Le premier était de pouvoir quantifier les anomalies au niveau de la moelle épinière, avec donc des paramètres qui nous permettent d'analyser à la fois ce qu'on appelle la substance blanche, les faisceaux d'axones et également la substance grise, en fait là où sont les corps cellulaires des motoneurones. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis l'autre objectif, c'était de détecter s'il pouvait y avoir des phénomènes de plasticité, alors à la fois au niveau de la moelle épinière et également au niveau cérébral. Parce que l'hypothèse était que cette maladie débutant tôt dans l'enfance en général, avec une évolution progressive, l'hypothèse était que pouvait se mettre en place au niveau cérébral et ou spinal des mécanismes de compensation qui viendraient suppléer la perte en cellules motrices au niveau de la moelle épinière. Alors pour tester ces hypothèses, vous avez mobilisé deux groupes de sujets, des patients atteints de cette amyotrophie spinale et un autre groupe de sujets sains. Comment ça s'est passé ce protocole ? Alors dans les maladies neurodégénératives, l'imagerie standard ne montre pas d'anomalie. Alors, sauf à des stades extrêmement tardifs de la maladie où éventuellement on peut voir apparaître des phénomènes d'atrophie qu'on peut détecter visuellement. C'est pour ça qu'on doit utiliser des méthodes beaucoup plus avancées avec des techniques d'acquisition plus précises. Alors, pour ça, on utilise de l'imagerie quantitative avec un traitement informatique d'analyse, des logiciels qui permettent d'extraire des paramètres qui vont assez bien refléter le processus tissulaire qui est sous-jacent aux anomalies qu'on pourrait mettre en évidence. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer à l'issue de cette expérience, finalement ? Alors, il y avait un résultat important, mais qui était, je dirais, peut-être le plus attendu, c'est que au niveau de la moelle épinière, on constatait effectivement des anomalies de la substance grise dans le sens d'une diminution et d'une atrophie qu'on peut détecter, mesurer avec des paramètres plus fins. Donc, c'était quelque chose d'important parce que ça confirmait le siège des lésions dans la maladie et que ça permettait d'avoir un outil de quantification, notamment pour évaluer l'effet de nouveaux traitements. Mais en fait, le résultat le plus intéressant de cette étude est qu'on a montré qu'au niveau cérébral, il y avait des phénomènes de plasticité avec un épaississement de la substance grise, à la fois au niveau de zones motrices, mais également dans des zones qui sont impliquées dans des processus de planification du mouvement, mais également dans des zones qui sont impliquées dans des processus intellectuels au sens large, et notamment des zones qui interviennent dans ce qu'on appelle la cognition sociale, avec des facultés d'empathie qui sont tout à fait importantes. Alors là, du coup, vous nous montrez un échantillon des résultats que vous avez obtenus de cette expérience. Oui, alors là, ce qu'on visualise, c'est les zones qui ont un volume plus important par rapport à une population témoin. Et ce qu'on voit sur cette image, c'est que les zones impliquées dans la motricité, qui sont au niveau du cortex frontal, ont une épaisseur de cortex plus importante. Ce qu'on voit également, c'est que des zones qui sont situées plus en avant, qui correspondent au cortex frontal, la partie antérieure du cerveau, donc qui est impliquée dans beaucoup de fonctions intellectuelles, comportementales, ces zones-là ont également un volume augmenté par rapport aux sujets, entre guillemets, normaux. C'est des choses qu'on ne peut pas voir là à l'œil nu, c'est des choses que vous mesurez de manière quantitative avec des outils d'analyse très développés. Tout à fait. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on peut, à partir de ces paramètres, les projeter sur un cerveau. Et à partir de l'analyse dans les différentes régions, on peut visualiser les zones du cerveau pour lesquelles on a des anomalies, donc en l'occurrence une augmentation de l'épaisseur du cortex. À l'issue de ces bons résultats que vous avez obtenus, est-ce que vous projetez de faire ce même genre d'expérience sur des cordes plus grandes, plus diversifiées ? Oui, tout à fait, parce qu'une limite de ces études reste le faible nombre de patients. On avait une trentaine de patients dans cette étude, ce qui, d'un point de vue de puissance statistique, reste faible. D'autre part, on sélectionne des populations de patients qui peuvent avoir des différences par rapport à ce qu'on appelle la vie réelle en dehors d'un protocole. C'est pour ça qu'on a besoin d'élargir les cohortes et également de réaliser des études longitudinales avec plusieurs temps de mesure afin de savoir comment évolue ce type de lésion au cours du temps. Voilà le reportage à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de Jean-François Prada. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre-Marie Hédot ? Je suis vraiment très agréablement surpris de voir combien des pathologies qu'on pensait surtout être inéluctables avec une progression dans le déclin, de voir combien on met aujourd'hui au goût du jour cette plasticité qui devient presque quelque chose de naturel, alors qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on n'aurait certainement pas fondé autant d'espoir. Évidemment, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, tous ces avancées viennent aussi de la technologie. Et là, on vient d'entendre des méthodes de mathématiques, empruntées à la mathématique, donc très précises pour pouvoir quantifier ce phénomène. Et je pense que dès lors que l'on quantifie, on donne un espoir au patient, parce que le patient devient lui-même un acteur. On lui montre devant lui quel est l'état de la situation. Et finalement, comme on a dit, on a entendu parler d'analyse longitudinale, quand on revient avec le même patient quelques jours, semaines, mois plus tard, dès lors qu'on était capable de quantifier, on peut s'apercevoir d'un certain progrès. Pauline Spéder ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui maintenant est presque, je dirais pas un réflexe, mais non, il y a plein de maladies cérébrales qui sont réévaluées en fonction de la capacité de plasticité du cerveau, à quel point peut-être une fonction a été perdue, mais d'autres, on revient au fait de réemprunter des circuits qui ne sont pas utilisés et de les rediriger vers autre chose. Et effectivement, ça va vers d'autres régions du cerveau, la région du cerveau va augmenter. Et effectivement, après, on part à la question, c'est on le voit, mais finalement, quelle est la fonction de ces zones augmentées. Ça, c'est, je pense, le prochain défi. C'est de comprendre, effectivement, de corréler des changements structurels avec des fonctions gagnées, je pense. On a parlé dans la première partie de cette émission de plasticité synaptique, hein, donc de ces réseaux qui peuvent changer, qui peuvent être même forcés, hein, dans certains cas, sur des études cliniques, sur des modèles murins, pour réimplémenter de la plasticité à des endroits et sur des fonctions qui ont été fixées. On va parler de l'autre forme de plasticité qui est a été longuement contesté et qui est pour aujourd'hui attesté, je crois, la majeure partie. Il y a encore un peu de contestation. Néanmoins, c'est la neurogénèse. Pauline Spéder, pourquoi est-ce que ça a été si difficile d'attester que le cerveau continuait à créer de nouveaux neurones tout au long de la vie, contrairement à ce qu'on a pensé, donc, comme on le disait, depuis le début du XXe siècle? Je pense que c'est, on revient à ce que j'avais un peu dit, c'est les techniques qu'il fallait être capable de prouver qu'il y avait effectivement, d'abord des cellules qui avaient la capacité de produire d'autres cellules, et après de voir que ces cellules étaient effectivement des neurones, et il y a l'étape après qui s'intègre, et c'est encore une troisième partie. Et donc, on a quand même eu l'avancée technique qui a permis de marquer des cellules, on dit en division, c'était les années 60, hein, les premières expériences, avec du tritium, donc c'était radioactif. Maintenant, on a des méthodes qui sont un petit peu moins difficiles. Donc, il y a ça, je pense. Et le fait aussi effectivement, c'est vraiment très, très basé sur les techniques qui avancent. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la neurogénèse? Parce que il y a effectivement deux zones qui sont attestées à vrai sens, enfin en tout cas globalement, qui conduisent à produire des neurones. Mais la question, c'est produire des neurones où et pour quel but, à quelle intention? Donc là ça, ce qu'il faut se poser la question, c'est de quelle espèce on parle, parce que c'est vrai que donc on est dans les mammifères et c'est vrai que quand même beaucoup de données qu'on a sont faites sur des modèles murins. Et effectivement, il y a deux zones de neurogénèse principales. Il y a au niveau de l'hippocampe, le gyrus denté de l'hippocampe, et puis elle est. Donc l'hippocampe, c'est tout au centre du cerveau. On va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission des petites zones comme vous puissiez visualiser, mais c'est vraiment tout petit, tout au fond. Voilà. On en parle beaucoup dans les maladies neurodégénératives. Ce sont des endroits qui sont liés à la mémoire. Très important, effectivement, pour la mémoire différents moments, donc c'est vrai que c'est un centre très important pour ça. Après, il y a d'autres centres qui ont été montrés chez les modèles murins, qui sont les ventricules latéraux, et qui eux sont, chez modèles murins, impliqués dans tout ce qui est surtout olfaction. Pierre-Marie est un spécialiste, donc il va pouvoir complémenter. Et ça, c'est quand même assez bien établi chez modèles murins. Chez les hommes, c'est toujours plus difficile, il y a des évidences de neurogénèse dans les deux endroits, mais il y a aussi un troisième endroit dont on parle moins, qui est le striatum, qui actuellement a l'air d'être... Qui se situe où dans le cerveau? Qui est tout à côté, des ventricules latéraux, donc au milieu, en plein milieu aussi. C'est de toutes petites structures en général au milieu, toutes les trois, et qui est peu développée chez les modèles murins, qui est plus développée chez les hommes. Mais on revient à l'unicité de l'homme, et c'est peut-être aussi une facteur d'unicité, c'est où on arrive à créer de nouvelles cellules. Si... Pierre-Marie Hédot, pour compléter sur ces zones, et peut-être une question un peu naïve, mais puisque pour créer de nouvelles cellules, il faut a priori des cellules souches qui puissent être capables de donner de nouveaux neurones et d'aboutir à une différenciation terminale, comment se fait-il qu'on ne puisse pas identifier ces cellules souches post-mortem, juste en ouvrant et en regardant dans le cerveau ces endroits pour trouver des types de cellules qui seraient différents des neurones terminaux? Pourquoi si finalement on n'y arrive pas, ou pourquoi ça a été dur? Parce qu'il y a eu des verrous. Premier verrou historique, vous l'avez dit, vous nous l'avez rappelé. Cajal et toute sa descendance nous ont dit, un cerveau adulte, ce n'est pas remaniable. Deuxième verrou technique, Pauline nous l'a rappelé, étaient rares les laboratoires qui pouvaient manipuler de la radioactivité. C'est quand même pas banal. Donc, il y avait quelques happy few qui pouvaient se permettre ce genre d'analyse, et donc on restait dans le dogme. Et troisième verrou, qui lui est conceptuel, les évolutionnistes nous avaient dit que le cerveau humain, avec sa capacité d'avoir toute cette surface de 2 mètres carrés, total, quand on développe un cortex, c'est 2 mètres carrés, eh bien, ça provenait d'une particularité. Les cellules souches de l'embryon qui se divisent asymétriquement pour s'assurer que pendant que je me divise, je donne une cellule de ma descendance, je m'assure de maintenir un réservoir, en quelque sorte, de cellules toujours souches, en quelque sorte. Eh bien, ces évolutionnistes avaient décrit que cette division asymétrique disparaissait chez l'humain. Et pour justement avoir un nombre de neurones assez rapide, avec un coup. Un coup, je perds mes cellules souches et donc je vais avoir une expansion de mon cortex. Et donc on expliquait cela de cette façon-là. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu les outils technologiques, et là peut-être il faut juste attirer l'oreille de nos auditeurs sur l'usage de vecteurs viraux, puisqu'on parle coronavirus, les virus nous font peur, mais ce sont aussi de sacrés outils dans les mains des neurobiologistes, des neuroscientifiques, parce que ce sont des seringues en quelque sorte qui nous permettent de marquer des cellules et de voir leur descendance. Et depuis qu'on a été capable de faire ça, on s'est rendu compte, un, que l'hippocampe, qui est la structure qui gère la formation de nos souvenirs, mais n'oublions pas également qui contrôle nos émotions. Ça veut dire que perdre le contrôle de l'hippocampe, eh bien, c'est connaître l'anxiété, c'est connaître la dépression pour certains. Pour d'autres, eh bien, c'est les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer avec perte de la mémoire. Et la deuxième région qui produit, la deuxième zone de la pouponnière à bébé de neurones s'appelle au bord des ventricules, la zone subventriculaire, qui chez les rongeurs et la plupart des mammifères, sauf l'humain, achemine des nouveaux neurones vers le bulbe olfactif. Or, l'humain, eh bien, lorsqu'il a, il s'est érigé sur ses deux pattes, il a privilégié un sens, le visuel, d'un point de vue de la survie, ça a du sens, et non pas l'olfactif. Et alors, ces neurones qui naissent dans la zone subventriculaire, qui devraient s'acheminer vers l'avant du cerveau pour aller vers le bulbe olfactif, eh bien, en cours de route, ils plongent et ils viennent dans le striatum. Or, n'oublions pas que nous avons dit que l'humain était une espèce qui aimait le jeu. Le striatum, c'est le système de la récompense. C'est le système de la récompense et aussi de la volonté. Donc c'est vrai que si on revient au côté qui est la partie spécifiquement humaine de la neurogénèse, c'est peut-être une des explications. Parce que ce qui est intéressant, c'est que effectivement, donc ces cellules souches de l'hippocampe et de la zone sous-ventriculaire, ça ne se contente pas de rajouter des neurones. Ces neurones-là, ils vont migrer, ils vont aller compléter. Est-ce qu'on sait exactement, on commence à avoir des indices sur ce à quoi ils servent et pourquoi notre cerveau continue à produire des neurones dans ces zones-là en particulier? Le pourquoi est toujours très compliqué. Alors ce qui est assez intéressant, c'est si on prend l'exemple de l'hippocampe, en fait, sur le nombre qui est produit, il y a un grand nombre qui est perdu. Il y a à peu près 80% qui est perdu et uniquement 20%. Hein, donc, c'est de longues étapes de maturation. Hein, c'est une fois qu'elles sont matures, elles vont s'intégrer dans les circuits de l'hippocampe. Et on ne sait pas pourquoi, enfin, peut-être que tu peux me compléter, Pierre-Marie, mais on ne sait pas pourquoi il y a finalement une aussi grande perte. Pourquoi on doit en produire aussi et on n'en garde que 20%. Et après, pour les 20%, donc c'est toujours pareil chez l'homme, c'est très difficile de savoir, il y a des corrélations entre effectivement la perte de fonction hippocampale et ce qui se passe au niveau de la neurogénèse. On sait qu'il y a des études qui montrent que dans des patients avec Alzheimer où il y a une diminution de la neurogénèse dans certaines parties. Est-ce que c'est cause ou effet? C'est toujours très compliqué. Chez les modèles murins, ça, maintenant c'est quand même bien étudié, on arrive à enlever génétiquement des parties qui sont pour la neurogénèse, donc l'hippocampe ou la zone sous-ventriculaire, et on arrive à montrer qu'effectivement c'est important pour l'olfaction, pour l'anxiété, pour etc. On peut allouer. Chez l'homme c'est plus difficile. C'est des corrélations entre effectivement des maladies où on voit la neurogénèse qui diminue et des comportements. Je ne sais pas si tu... Peut-être l'action du Prozac. N'oublions pas que le Prozac était une molécule mystérieuse qui nous permet d'être optimiste et de retrouver un peu le bonheur, ou en tout cas une bonne santé mentale, on va dire, mais pendant très longtemps. Alors que cette molécule, quand on la prend, il faut quelques heures pour la retrouver. Quelques heures pour la retrouver dans le cerveau. Et pourquoi faut-il 4 semaines pour qu'un patient qui commence à la prendre commence à sentir les effets bénéfiques? Eh bien, en fait, on sait que entre le moment où on stimule une cellule souche, qu'elle va donner une descendance encore immature et que ce neurone devienne mature et qu'il s'intègre et qu'il participe dans les circuits qui étaient préexistants, c'est le temps qu'il faut, 4 semaines à peu près. Donc, on a comme ça maintenant une meilleure vision et je pense qu'au travers de la neurogénèse, beaucoup cherchent les antidépresseurs de demain. Mais alors peut-être un mot pour préciser quand même rapidement, cette neurogénèse, elle est très très faible en nombre de neurones produits par rapport à l'ensemble des neurones du cerveau, ça reste... Oui, parce que je pense que pour l'hippocampe c'est à peu près 700 hein, par jour, donc ce qui est un peu moins de 2%. Donc c'est pas beaucoup, mais après là, effectivement la question c'est sur quel circuit elle s'intègre et à quel point c'est vrai que c'est très difficile je pense actuellement, et on passe par ce que disait Pierre-Marie, si on passe par l'étude de maladie, le revisiter dans ce contexte-là et se rendre compte que sans doute c'est peut-être un phénomène assez subtil, mais les fonctions sont très importantes et pourquoi elles le sont, c'est vraiment je pense un domaine à défricher. On est vraiment dedans. Oui, n'oublions pas que ces nouveaux neurones ont des propriétés assez uniques que n'ont pas les préexistants. Donc, rajouter 1-2%, mais n'oublions pas qu'il y a un effet cumulatif. Donc, 700 par jour, on va arriver très vite à des pourcentages qui sont non négligeables dans un circuit, sachant que ces neurones ont une capacité à surréagir, à surrépondre. Eh bien, il en faut peu pour finalement être capable de, surtout quand ils ont un rôle de coordinateur, d'avoir tout un ensemble de circuits capable de mémoriser une information X ou Y. C'est maintenant qu'on a étudié un peu ces deux grands mécanismes hein, qui sont la plasticité synaptique d'une part et la neurogénèse d'autre part. Aujourd'hui, quels sont les liens que l'on fait sur ces découvertes fondamentales et sur ces mécanismes en termes d'application, notamment en cas de lésions, que ce soit des lésions de type AVC, que ce soit des lésions au contraire physiologiques lors de la perte d'un membre ou de la perte de motricité, de mobilité. On constate aujourd'hui de plus en plus et encore plus, notamment avec des neuroprothèses aujourd'hui, qu'en stimulant un peu le cerveau, bien pour des gens qui ont été gravement lésés, eh bien on réapprend à avoir un certain nombre de fonctions, quelles qu'elles soient cognitives ou physiologiques, et que bien ces fonctions, elles passent pas par les endroits qui ont été lésés, mais qu'elles sont plus ou moins contournées. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le lien entre ces deux types de constats? Oui, alors en fait, on s'aperçoit que l'activité, quelle que soit l'activité, mais l'activité électrique d'un circuit, produit des molécules favorables, permissives, que ça soit pour les remaniements des synapses, que ça soit les prolongements des neurones aussi, qui vont bourgeonner et augmenter leur ramification, que ça soit la terminaison synaptique, on s'aperçoit que l'activité est indispensable pour que tous ces processus puissent advenir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vous voyez aujourd'hui plus personne immobilisé longtemps un bras dans du plâtre, par exemple. On va laisser une certaine articulation que un adulte à qui on aurait dit ah ben non, votre vision là aujourd'hui on peut plus la corriger, ben on lui mettra un masque et on va lui faire travailler l'autre œil qui a besoin de compenser, et en mettant le sujet comme étant un acteur lui-même. C'est ça qui est important. On s'aperçoit que l'activité est indispensable pour induire ces phénomènes de remaniement. Mais deuxièmement, cette activité, le sujet doit le décider, ou en tout cas doit être permissif à ça. Et ça, c'est la notion de désir. Le désir, la sérotonine, et on revient encore de nouveau sur tous les bienfaits de ces molécules que notre cerveau, naturellement, peut produire. Sinon, on lui donne de la fluoxétine. Pauline Spéder. Sur les liens justement que l'on peut faire, notamment en termes thérapeutiques liés à la neurogénèse, on parlait tout à l'heure de maladies neurodégénératives, on commence à pouvoir établir des passerelles justement entre cette neurogénèse, le lien avec l'hippocampe. On voit par exemple une étude relativement récente qui date de l'année dernière, montre que jusqu'à même 90 ans, le cerveau continue à produire des neurones. Oui, je pense que maintenant il y a des maladies neurodégénératives qui sont revisitées. La composante principale que les gens connaissaient, c'était la perte de neurones matures, dans Alzheimer par exemple. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a sans doute un composant qui vient de la neurogénèse. Alors après, c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'on a moins de neurogénèse parce que elle est moins stimulée, parce qu'on perd des neurones, parce qu'il y a ce cercle plus ou moins vertueux ou vicieux, suivant les cas, où finalement des neurones peuvent stimuler les cellules souches et ce jour produire des neurones. Mais je pense qu'en comprenant effectivement maintenant mieux cette deuxième composante de ces de maladies dégénératives, on peut peut-être proposer des solutions thérapeutiques peuvent être un petit peu différentes. Et j'ai un exemple qui, je sais pas si ça va être le plus pertinent non plus, mais je pense par exemple à l'exercice physique. Donc il y a pas mal de corrélations qui montrent que l'exercice physique aide des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, et bon, on comprenait pas très bien pourquoi. Et en fait, on se rend compte que effectivement les cellules souches, donc sur des modèles murins, que les cellules souches nerveuses sont capables d'interpréter ce changement métabolique en fait dans l'exercice physique, et en réponse à ça, bon, vont augmenter leur neurogénèse. Et donc l'idée, c'est que par exemple un composant qui pourrait aider du moins au bien-être de ces patients, ou à favoriser une espèce de je sais pas, de guérison, un gros mot, mais de partiel, oui, de retour à une forme de retour mieux à une forme de mieux-être, serait peut-être de stimuler cette partie due à la neurogénèse dans ces maladies, par exemple par des choses comme ça. Alors en fait, là, il y a un domaine qui explose actuellement dans le monde des sciences du vivant, c'est la notion de longévité. On s'aperçoit aujourd'hui que les cellules souches, finalement, on en a beaucoup plus qu'on ne pensait dans notre organisme. Mais il s'avère qu'elles deviennent de plus en plus, avec l'âge, quiescentes. En gros, elles sont fainéantes, elles ont de moins en moins envie de se diviser. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de, alors que c'était un processus qu'on pensait irréversible, Pauline nous parlait d'exercice physique. On s'aperçoit que l'exercice physique, produisant des molécules qu'on va libérer dans le corps, vont venir déverrouiller ces cellules qui étaient quiescentes et les revoir, ces cellules souches, se diviser. Un autre facteur environnemental qui est très important, la restriction calorique. On s'aperçoit que la restriction calorique est peut-être un des facteurs les plus puissants pour de nouveau réveiller ces cellules souches dormantes. La restriction calorique, c'est-à-dire jusqu'à quel point? C'est-à-dire juste priver un peu? C'est sévère, c'est 30% quand même. Mais on parle de restriction calorique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se priver de quoi que ce soit. Il faut continuer à avoir un régime alimentaire équilibré, mais dont l'apport énergétique diminue de 30%. Pauline Speller. Oui, je pense qu'on touche à un point essentiel qui est vraiment la notion d'environnement. C'est-à-dire, c'est quand même un des fils conducteurs. Là, on se rend compte que ces cellules souches ou les synapses, finalement, ce qui va les faire ou se réveiller pour les cellules souches ou adopter une autre conformation, c'est effectivement l'apport de stimuli, de signaux externes. Et c'est vraiment maintenant sur lequel il y a de plus en plus d'exemples pour les cellules souches. Elles sont vraiment capables de sentir un grand panel de situations. Elles peuvent sentir une infection, elles peuvent sentir un changement métabolique, elles peuvent sentir effectivement la dégradation de ses voisins, les neurones. Et je pense que c'est ça un des cœurs pour moi qui reste à comprendre, c'est comment elles sentent ça. Et elles vont finalement savoir qu'il faut qu'elles se réveillent et qu'elles fassent quelque chose. Mmh. Alors après, ça, c'est un côté qui, je dirais, c'est le côté obscur de la force. C'est-à-dire que la plasticité n'est pas que bonne. Parce que, ça, c'est intéressant, ça. Parce qu'elle est sûrement très très bonne, mais c'est comme tout. Finalement, pour moi, la plasticité, c'est une réponse du corps à un stimulus. Et des fois, la réponse, c'est une réponse de panique. Donc, je prenais l'exemple de l'attaque cérébrale. En attaque cérébrale, on a des neurones qui meurent parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Et on sait qu'il y a une neurogénèse qui prend place après, en réponse. Je ne dirais pas que le cerveau s'affole, mais il faut faire quelque chose. Et il en produit beaucoup, mais c'est une neurogénèse quasiment mal placée, je dirais. Et les neurones qui sont produits ne s'intègrent pas forcément bien ou s'intègrent mal. Et au final, ce n'est pas forcément bénéfique. Donc, il y a une réponse qui est due à la plasticité. Les cellules souches sont capables d'être suffisamment plastiques pour sentir qu'il y a un problème et se réveiller et faire quelque chose. Mais au final, ça ne fait pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est vrai pour l'épilepsie aussi. Oui, hein. Oui. C'est quelque chose qu'on commence à se rendre compte. Et c'est donc tout le problème de doser cette plasticité, je pense. Qui est important. Oui, parce que je crois qu'il faudrait rappeler à nos auditeurs que lorsqu'un cerveau se développe, il y a des processus de production cellulaire, mais en parallèle, il y a des processus d'élagage. Mmh. On coupe les branches. Mmh. Et malheureusement, quand on a ces phénomènes de plasticité excessive chez l'adulte, il n'y a plus les mécanismes qui concourent à cet élagage. D'où des phénomènes, par exemple d'épilepsie, d'où d'autres phénomènes qui rendent l'activité du cortex dans son ensemble synchrone. Mmh. Voilà, donc je crois que c'est important de garder l'idée que, certes, la plasticité c'est bien, trop évidemment, c'est nuisible. Puis il y a tout un pan sur lequel on ne parle pas, on parle de plasticité des neurones, mais il y a la plasticité des cellules gliales. Hein. N'oublions pas qu'il y en a autant dans le cerveau que de neurones, et ces cellules gliales, elles sont éminemment plastiques, malléables, et elles s'adaptent. Ouais. Et je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée justement aux cellules gliales, notamment avec Yves Agide. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Pour conclure en un mot, peut-être Pierre-Marie Hédot, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des débouchés? Je pensais, on a évoqué peut-être justement la question de la dépression. On sait qu'il y a effectivement un lien peut-être entre une neurogénèse un peu déficiente et des mécanismes de dépression qui pourraient justement être des dépressions résistantes ne répondent à aucune forme de médication. Bah écoutez, je vais vous livrer un scoop. On a fait une découverte et on a préparé notre communiqué de presse, donc j'anticipe un peu. On a découvert que certaines formes de résistance aux antidépresseurs perdent leur efficacité. Ces antidépresseurs perdent leur efficacité dans l'hippocampe et il s'avère que finalement tout ça vient d'un changement du microbiote intestinal. C'est-à-dire que quand on joue avec des antidépresseurs qui cherchent à faire remonter la sérotonine, encore faut-il la produire. Et si vous avez une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre intestinal, vous n'êtes plus capable de fabriquer cette sérotonine. Donc on a montré que cette sérotonine, enfin les antidépresseurs, pouvaient trouver une efficacité qu'à condition d'abord qu'on donnait des prébiotiques. Bah écoutez, merci beaucoup. On va suivre en tout cas avec attention ces liens toujours passionnants entre le microbiote intestinal et le cerveau. On en a beaucoup parlé. Mais on va suivre cette publication qui sera, j'espère, bientôt dans le Journal des Sciences. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, merci Pauline Speder, merci Pierre-Marie Hédot. On peut vous lire pour aller plus loin, Pierre-Marie Hédot, avec Jean-Didier Vincent, Le cerveau sur mesure, exposition Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Néguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Sylvain Latu à la technique. Demain, deux prix Nobel pour une émission. Et oui, c'est grand luxe. Nous parlerons de laser femtoseconde en compagnie de Gérard Mou et Donna Strickland, tous deux prix Nobel de physique 2008 pour leurs travaux sur la question. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.